L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Thank you. Soyez les bienvenus dans l'heure du loup, chers amis. Vous êtes bien sur Osmose Radio, vous êtes bien avec Stéphane, vous êtes bien ici avec moi pour une heure de rock et d'une wave. Soyez les bienvenus dans l'heure du loup. Et à l'instant, on ouvrait cette playlist avec un morceau qui vous aura peut-être rappelé un souvenir cinématographique, puisque c'était le morceau Burn de The Cure, un morceau exclusif qui avait été composé pour la bande originale d'un film qui vous aura peut-être marqué il y a un petit peu plus de 20 ans. C'était The Crow avec le dernier rôle de Brandon Lee, le corbeau, cet oiseau de malheur qui afflue au mois d'octobre pour l'automne et qui annonce un petit peu les jours sombres, qui annonce aussi cette transition entre les beaux jours et les jours sombres que constitue Halloween. Et d'ailleurs, avec le changement d'heure, l'obscurité tombe plus tôt. Vous avez cru peut-être vous mettre en sécurité pour fuir les ombres en rentrant chez vous dans votre home sweet home et en vous branchant sur Osmose Radio. Grossière erreur, puisque ce soir sur Osmose Radio, c'est une playlist Halloween dans l'heure du loup, vous disais-je, et on ouvrait donc avec ce morceau de The Cure qui était la bande originale d'un film qui vous aura peut-être marqué, où il y avait ce personnage emblématique, j'ai envie de dire, de la culture gothique, The Crow, le personnage de BD porté à l'écran. Et on va continuer dans le même ordre d'idées avec des musiques un peu à l'avenant ce soir, avec du rock gothique, du metal, du death rock et j'en passe. Bref, toutes les musiques qui annoncent un petit peu les ambiances de cette fête là, qui correspondent assez bien, je veux dire. Et on va continuer, disais-je, avec un groupe là encore de rock gothique, mais qui vient du Brésil, celui-là. Tout de suite, on écoute Plastic Noir avec le titre Creep Show. We'll be right back. Creep Show, un spectacle un peu sinistre. C'est un petit peu l'objet de l'émission ce soir dans l'heure du loup. Mes chers amis, vous êtes les bienvenus dans ce playlist Rock et New Wave qui est consacré à un événement qui aura lieu sous peu, Halloween. Alors je sais qu'on ne le fête pas sous nos contrées. Oui, certes, on ne fête pas Halloween ici et pourtant il y a quand même pas mal d'événements qui tournent autour de ça, même si effectivement il y a eu un petit engouement il y a une vingtaine d'années et puis c'était retombé assez vite. Mais néanmoins, il en reste quelque chose puisque il y a des soirées, des pubs, des expositions, enfin des tas d'événements artistiques ou simplement mercantiles qui tournent en cette fin octobre autour de ce moment-là. Plus généralement, la Toussaint, le Dia de los Muertos mexicain aussi qui se fait connaître ici-bas. Et évidemment, Halloween, donc cette bonne vieille influence yankee qu'on aborde et que pourtant on adore un petit peu quand même, même si on s'en défend. Voilà, chers amis. Et donc, du coup, pour la énième fois ce soir, fin octobre, dans l'heure du loup, j'ai décidé de consacrer une playlist à Halloween avec une sélection musicale à l'avenant. Et par conséquent, on écoutait pour ouvrir cette émission les deux morceaux The Cure, Burn et ensuite Plastic Noir, un groupe de rock gothique brésilien discret mais efficace comme vous venez de l'entendre. Voilà, et on va continuer un petit peu dans ce même ordre d'idées parce que quand on pense à Halloween, évidemment, on pense aux zombies. Et les zombies, pas seulement ceux que vous croisez dans les rayons du supermarché. Quand vous allez faire 2-3 courses, les zombies, ceux aussi qu'on voit sur grand écran ou sur petit écran, au moment où quand vous avez envie de vous faire peur. Et du coup, je vous propose d'écouter un morceau dont c'est l'objet tout de suite, Michael Graves avec le titre « Zombie ». La douceur de son lit et le bruit des traquenards Fuck me Freddy, à l'instant c'était Ikiko, la chanteuse de Bad Trip qui vous hurlait dans les oreilles pour vous faire saigner les tympans, mais bon vous en faites pas, hein, c'est normal, c'est deux saisons, c'est Halloween. Et tout à l'instant on écoutait deux morceaux enchaînés, disais-je, tout d'abord Michael Graves, un gars qui avait joué dans le groupe The Misfits, vous me direz il a un petit peu la gueule de l'emploi et les centres d'intérêt aussi, puisque le morceau qu'on écoutait précédemment c'était le titre Zombies, et c'était enchaîné juste après avec un groupe français celui-là, les Marseillais de Bad Trip avec Fuck me Freddy. Si vous regardez des films d'horreur ou si vous prévoyez d'en regarder ce week-end, ben vous me direz c'est un petit peu un loisir de circonstance en ce grand week-end de Toussaint. Et les films d'horreur, il y en a une grande variété. D'ailleurs, on avait un débat dans ce studio à ce sujet-là. Hein. On a parlé de Rec, de The Ring, de Evil Dead, etc., etc. Et vous, de votre côté, vous aurez peut-être une préférence pour ce bon vieux Freddy avec sa main un petit peu bizarre, là, genre Edouard dormait en argent, mais en tout cas un peu manchot. Et toujours est-il que Fuck Me Freddy, bah c'était à l'instant ce que hurlait Ikiko dans ce titre de Bad Trip, leur dernier album en fait, qui est sorti il y a un peu plus d'un an. Il y a deux ans, autant pour moi. Et c'était donc les Contes de la Trip. Et ils avaient déjà sorti un premier clip extrait de ce clip-là, c'était la Bouchère de Hanovre. C'était il y a un an. Et là, incessamment sous peu, dans quelques jours, ils vont sortir le second clip illustrant un petit peu cet album. Et ce sera justement le clip de ce morceau-là qu'on écoutait à l'instant. Fuck Me Freddy. Donc restez à l'écoute, j'ai envie de dire, des réseaux sociaux, ou enfin suivre un petit peu les choses. D'ailleurs aussi sur les réseaux sociaux, sur Osmose Radio et L'Heure du Loup, gardez un œil dessus parce qu'on vous publiera incessamment sous peu toutes les petites choses sympas à faire dans la région d'Avignon, les alentours, à l'occasion d'Halloween, de ce grand week-end de Toussaint justement. Donc n'hésitez pas à jeter un petit œil de temps en temps sur Twitter ou sur Facebook. Et on va continuer avec notre playlist ce soir, une playlist de circonstances. Puisque peut-être, si dans votre quartier, il y a des gamins qui font le tour des maisons pour vous gratter des bonbons, eh bien peut-être que vous allez voir des créatures étranges se promener dans votre rue ce week-end. Hein. Eh bien, c'est justement l'objet du morceau avec lequel on va continuer, Weird Creatures, par le groupe Scarlet and the Spooky Spiders. I'm not gonna- Come play with us, Danny, viens jouer avec nous. Danny, disaient les deux petites jumelles super flippantes dans le film Shining, là, au petit garçon, sur son tricycle à roulettes. Voilà, vous avez forcément mémorisé ce film des années 70, un film de Stanley Kubrick, dont on vient d'écouter un petit extrait à l'instant. Et juste avant ça, c'était deux morceaux enchaînés. Tout d'abord, Scarlet and the Spooky Spiders, avec le titre Weird Creatures, hein, des créatures bizarres, celles que vous croiserez peut-être ce week-end. Et juste après, c'était The Earth, un groupe de rock gothique anglais avec le titre Dead City. Voilà, une ville morte, hein, ce n'est pas ce que je vous souhaite. En tout cas, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Osmose Radio. Vous êtes bien dans l'heure du loup, vous êtes bien avec Stéphane et soyez les bienvenus, disais-je, dans cette playlist un petit peu spéciale ce soir, une émission thématique consacrée à Halloween qui aura lieu dans deux jours, le 31 octobre. Vous nous écoutez sur internet et vous pouvez aussi quand même nous rejoindre au moins un esprit dans le studio. Hein, on ne va pas jouer aux esprits, je veux dire, mais vous pouvez nous rejoindre en pensée dans le studio, puisque j'ai pas avec moi des momies, des sorcières, des zombies, des vampires. Par contre, j'ai un gentil farfadé derrière la régie technique, c'est le gentil technicien d'Osmose Radio, Jordan. Voilà, je suis quand même bien accompagné et on continue dans cette émission ce soir, vous disais-je, avec autre chose, et on va évoluer un petit peu de style musical, on va aller faire des choses un petit peu plus électroniques, ou dans les thèmes qui nous intéressent ce soir, il y a aussi des choses intéressantes, et comme Halloween, c'était l'ancien fête celtique de Shamaine, c'est-à-dire le soir de l'année où les démons sortaient du monde des enfers pour se joindre aux vivants. Hein. C'était un petit peu une période de crossover entre le monde des vivants et le monde des morts. Et par conséquent, les démons vont peut-être marcher sur Terre. Et parmi les démons, il y en a plusieurs, Satanael, etc. Et il y a aussi Behemoth. Donc je vous propose d'écouter tout de suite un morceau par le projet Synthwave Perturbator, un remix par Ghost, et on écoute tout de suite Behemoth. Be prepared to enter a world stranger than you have ever imagined. The world of witchcraft, magic, and ritual. We'll be right back. À l'instant, on écoutait un morceau de John Carpenter, Persia Rising, et s'était enchaîné juste avant, avec un projet Synthwave qui regarde vraiment un peu fixement, même parfois vers les années 80, c'était Perturbator, avec le titre Behemoth, qui était en fait dans un remix par un projet musical que je connais pas du tout, qui s'appelle Ghost. Il aurait pas pu mieux trouver, tu me diras, pour un morceau sélectionné pour une playlist Halloween. Et John Carpenter, qu'on écoutait à l'instant, eh bien, c'était un réalisateur de films qui vous aura marqué aussi sans doute, puisqu'il est c'est lui qui a réalisé notamment le fameux Halloween, ainsi que des tas d'autres films dans le genre épouvante, The Thing pour ne citer que celui-là, qui est très inspiré de Howard Phillips Lovecraft notamment. Bref, je ne vais pas m'étendre sur la filmographie de John Carpenter, vous la connaissez aussi bien que moi. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il a un petit peu mis sa carrière cinématographique entre parenthèses, et là, ces dernières années, en fait, il fait de la musique avec ses deux enfants, et ils ont édité plusieurs albums, notamment un album qui s'appelle Lost Theme, c'est-à-dire c'est de la musique c'est des fausses bandes originales en fait, c'est des musiques pour des films qui n'existent pas, en quelque sorte, et vous aviez notamment sur un de ces albums-là, le morceau Persia Rising qu'on écoutait à l'instant, voilà. L'ancienne Perse, hein, c'est l'Iran actuel, vous me direz, et que l'Iran s'élève, là aussi ça fait peur à pas mal de gens, vous me direz. Et justement, l'Iran, la Perse, c'est aussi de là que viennent, dans l'Ancien Testament en tout cas, que viennent pas mal des démons qui peuplent les enfer biblique. Et tout à l'heure, tiens, je vous parlais d'un autre lieu peut-être parfois infernal, c'est l'Irlande, où on trouvait des démons d'une autre nature, genre Jack O'Lantern et les Farfadets, etc. Les Leprechauns, et c'est aussi là-bas qu'on appelait la fête originale des morts, c'est-à-dire Shamaine. Et bien c'est aussi le nom d'un groupe avec lequel on va continuer tout de suite, Shamaine, avec le titre « To Walk the Night ». Forever grown to escape inside. Ministry avec le titre Everyday is Halloween dans sa version originale de 1984, je crois. Il y a eu des tas de remixes par la suite, mais à l'instant on écoutait la version ancienne et c'était enchaîné juste avant avec Charmaine to Walk the Night, hein, avec la voix sans doute que vous aurez reconnu, avec la voix de Glenn Danzig, voilà, je cherchais, oh nom de Dieu, le chanteur des Misfits dans le temps, voilà, j'avais son nom sur le bout de la langue et je ne le trouvais plus, hein, décidément. J'ai parfois, enfin, le jour, j'ai le nom des gens que je cherche sur le bout de la langue, la nuit, j'ai autre chose sur le bout de la langue, mais ça, c'est ma vie privée, je ne vous en parlerai pas. Et à l'instant, ouais, Ministry, donc un grand classique avec ce titre, Everyday is Halloween, pourquoi j'avais envie de vous ramener ça ce soir? En fait, j'ai lu un article il n'y a pas très très longtemps, puisque on parlait un petit peu de tout ce que se prend Greta Thunberg dans la tronche depuis qu'elle annonce un petit peu l'apocalypse, j'ai envie de dire. Il est donc de tous les mâles blancs de plus de 50 ans, parmi les politiciens notamment, qui disent qu'elle est folle. Alors que ce sont les mêmes gars en général qui nous agitent le foulard islamique sous le nez pour nous faire peur et nous vendre leur agenda politique sans doute. Et du coup, ben, je me suis dit, tiens, c'est vrai que ces braves gens, c'est tous les jours Halloween, parce qu'ils essaient tous les jours, via les médias interposés, de nous faire peur avec ceci ou cela. Non sans quelques raisons, hein, bien entendu, mais tout de même, qu'est-ce qui va le plus compter dans mon avenir? Un bout de chiffon que portent trois connasses, ou bien le réchauffement climatique? Hein, ça, c'est... Je vous laisse réfléchir là-dessus. Bref, toujours est-il que nous, bah, dans cet ordre d'idées et de sujets un petit peu flippants, y compris ceux de l'actualité, eh bien, on va continuer et on va aller tout doucement vers la fin de l'émission, avec un morceau un petit peu plus calme, puisque la playlist va avoir tendance à s'assagir, et tout de suite, on va écouter le groupe Crippled Black Phoenix, avec le titre You Take the Devil Out of Me, parce que ouais, des fois, hein, on a besoin d'exorciser un petit peu les créatures qui nous habitent et qui nous hantent, j'ai envie de dire, notamment dans un autre film qui vous aura sans doute marqué, L'Exorciste, hein, ce film des années 70 absolument mythique. Mais bon, ce soir c'est un petit peu dans le thème, mais c'est pas tout à fait dans l'esprit, parce que le morceau que je vous ramène est beaucoup plus calme. Tout de suite on écoute Crippled Black Phoenix, You Take the Devil Out of Me. We'll be right back. Well, you used to really be scared here. Johnny. You're still afraid. Stop it now. I mean it. They're coming to get you, Barbara. Stop it. You're ignorant. They're coming for you, Barbara. Stop it. You're acting like a child. Look, they're coming for you. Look, there comes one of them now. He'll hear you. Here he comes now. I'm getting out of here. Johnny. Un des films fondateurs du genre horreur au cinéma, à l'instant, c'est un extrait du fameux film La Nuit des Morts Vivants de George Romero, They're Coming to Get You, Barbara. Puis en fait, la mauvaise blague se transforme en vraie catastrophe puisqu'il y a effectivement des zombies dans le parc où se promènent les deux jeunes gens. Voilà, c'était en 1968, c'était en noir et blanc, mais nom de Dieu, c'est un des films les plus flippants qui soit. Et je vous le recommande. D'ailleurs, il passera au cinéma Utopia à Avignon incessamment sous peu, ben, jeudi soir. Donc si vous avez envie de vous faire une nuit fantastique, vous pouvez aller là-bas. Et pour les autres événements, restez branchés sur les réseaux sociaux d'Osmose Radio, de l'heure du loup, puisqu'on vous donnera un petit peu de quoi faire dans les alentours d'Avignon, chers amis. Voilà mes petits loups, c'était une playlist rock et new wave, une playlist sur le thème d'Halloween ce soir, mardi 29 octobre. Et puisque bientôt ce sera Halloween, ce sera un grand week-end de Toussaint avec différents événements pour frémir, j'ai envie de dire, frémir dans le bon sens du terme ou dans le mauvais, c'est vous qui voyez. Hein. Toujours est-il que je vous parle de films d'horreur un petit peu tout au long de cette émission, puisque c'est un petit peu un des thèmes qui s'accorde bien en cette période-là. Et on va continuer justement, et comme notre habitude, on va conclure avec quelque chose d'un petit peu décalé par rapport à la playlist. Et ce soir, ce sera un autre film d'horreur, mais français. Celui-là, c'était Les yeux sans visage, un film qui m'avait beaucoup marqué, alors qu'il y a une économie de mise en scène et d'effets spéciaux tout à fait remarquable. Mais alors, c'est comme dans les films d'Hitchcock, quoi, ça suggère le crime, ça suggère l'horreur, ça suggère les ombres et les ténèbres sans forcément en montrer des tonnes à l'écran. Donc je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore vu. Et Maurice Jarre, dans les années 60, avait composé la bande originale de ce film-là, avec laquelle on va se quitter ce soir, mes petits loups. Ça s'appelle Thème romantique, mais pour un film assez singulier et assez horrible. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une playlist un petit peu plus orientée Mexique et pays latino, puisqu'on parle du Dia de los Muertos, le versant latino-américain du chamaigne irlandais, de l'Halloween américain. On se quitte ce soir avec la musique de Maurice Jarre, Les yeux sans visage, et moi je vous propose de fermer les yeux tout doucement ce soir et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, enfin si vous survivez à ce week-end sinistre.